Un jour de rire, j'ai rencontré un homme planté sur ma route. Je voulais bien le dépasser, mais sa parole tenait toute. La place que j'avais dans mon cœur pour l'amitié, pour le doute. Riche d'un rêve, j'ai regardé dans le passé d'une vie trop courte. Et je veux garder toujours le même ciel, et je veux garder ce jour. Souvenir prend place dans ma vie chaque jour. On oublie trop bien le temps, trop bien ce jour, trop loin l'amour. Nous n'avions pas la même image, ni de la vie ni du passé. Nous ne gardions la même trace. Seule une musique restait pour me raconter son passage. Ce rythme-là, je l'ai gardé. Il n'y a que des mots qui passent. Et je veux garder toujours le même ciel, et je veux garder ce jour. Souvenir prend place dans ma vie chaque jour. On oublie trop bien le temps, trop bien ce jour, trop loin l'amour. Un merveilleux conteur d'histoire qui voit que sa vie le dépasse. Rien qu'un instant raconté, le souvenir garde la page. Et dans un livre qui m'a laissé, j'ai retrouvé la même histoire. En plus d'une musique, j'avais appris à garder la mémoire. Pour garder toujours, toujours le même ciel, et garder sans fin ce jour. Souvenir prend place dans ma vie chaque jour. On oublie trop bien le temps.